Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Toujours un plaisir d'être là à vous offrir comme ça de la meilleure musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Cette semaine, on va entendre du Élie Côté, du Suroy, du Danny Boudreau. J'ai l'album de la semaine, Romeo Carey Blue de Michel Russell. On va entendre également du Marie-Claude, du Mélissa Ouimet, instrumental, le bloc instrumental, j'ai une découverte à vous faire entendre, Étienne Beausoleil. Du côté de l'Ouest, on va entendre du Joël Lavoie, il y aura aussi du Annette, ainsi que du Isabelle Longnus. Bref, un 2 heures de musique franco-canadienne juste pour vous sur la station que vous écoutez en ce moment. Bienvenue, on commence avec le bloc des Maritimes dans quelques instants, je vous reviens dans quelques secondes. Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Ici Marc Lalonde, Lalonde des ondes, si vous voulez, qui vous accueille encore une autre fois pour vous offrir de l'excellente musique. Mais ça se fait pas tout seul, cette émission-là. J'ai des partenaires importants que j'aimerais remercier. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CKJM Chétican, WFM 98 Halifax, CFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser ou rediffuser l'émission. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. canrockcdn@gmail.com. Allons-y, si vous voulez bien, avec le bloc des Maritimes. Et on commence ça en célébrant les 50 ans du gala de la chanson de Caraquette qui aura lieu cette année. Bon, c'est une nouvelle formule, on se renouvelle au niveau du gala de Caraquette. Et cette année, le spectacle ou la finale aura lieu le 22 septembre prochain. On va entendre deux artistes, deux jeunes auteurs-compositrices interprètes qui sont passés à travers de Accro de la chanson et se retrouvent au gala de chanson de Caraquette, soit Élie Côté avec L'âme armée et aussi Audrey Basque-Gauguin avec Seul. Fini. sais plus quoi penser. Je suis sage comme une image, je ne veux jamais parler. Je suis sombre comme un nuage, mais je finis toujours par pleurer. Mon seul ami, c'est mon ombre, qui me suit toujours par en arrière. Qui est là quand moi je tombe, même dans mes étranges barrières. Mon corps encaisse les coups et ma tête retient les mots. Je fais semblant d'aller bien, mais dans le fond, je suis seule. Parfois je me sens si seule quand le monde ne tourne pas. Je me sens comme un vieux déchet que personne ne veut de moi. Je suis sage comme une image, je ne veux jamais parler. Je suis sombre comme un nuage, et je finis toujours par pleurer. Semblant d'aller bien, mais dans le fond, je suis seule. Quelle pièce magistrale qu'est cette chanson « Seule » de Audrey Basque-Gauguin. Et aussi, juste avant, c'était « L'âme armée » de Élie Côté. Elle devrait être de la partie pour la finale du gala de chansons de Caraquette qui a lieu cette année, le 22 septembre. On a renouvelé le tout et puis modernisé le tout. Et ça se passe le 22 septembre, cette grande finale-là. Donc, avis aux intéressés. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez tout simplement sur le gala de la chanson de caraquette.ca. Tous les détails s'y retrouvent. Il y a Suroy qui sera en spectacle bientôt. Oui, Suroy qui ont fêté cette année, ou l'année passée plutôt, le 40e anniversaire de leur existence. Et ils sont toujours en tournée et il y aura un petit spectacle, on dit un spectacle intime. Le Grenier Musique présente Suroy en spectacle intime à la Grange du Chaviré. Ça, c'est à Saint-Thomas-de-Kent au Nouveau-Brunswick le 14 août prochain à 20h. Donc, Suroy, toujours un plaisir de les voir en spectacle, toujours un plaisir de les faire tourner parce que c'est de l'excellente musique. Et voilà, un an, à peu près un an et demi, ils nous ont sorti un album, La Revisite. Et là-dessus, ils ont revisité plusieurs pièces de leur répertoire, dont « Si l'amour prenait racine ». On va entendre ça dans quelques instants. Par la suite, on va entendre le regretté Denis Richard, et oui, qui nous a quittés voilà, à peu près un an de ça, si je ne me trompe pas. Et on a un spectacle qui aura lieu le 19 août à la salle multifonctionnelle Petit Rocher à 19h. Le 19 août. Merci, Denis. Il y a plusieurs artistes qui y seront. Zachary Richard, Sandra Lecouteur, Danny Boudreau, entre autres. Donc, on va entendre « Ici, le temps m'est permis » de Denis Richard et ainsi que « Avant l'hiver » de Danny Boudreau. Mais juste avant, voici « Sur roi ». Ah, si l'amour prenait racine dans mon jardin, j'en planterais. Garçon qui sait bien son maître, ne fait pas l'amour le temps qu'il veut. J'ai bien moqué une seule fois d'aller la voir. La belle me l'a reproché plus de 100 fois. Reviens donc, amant fidèle, ne manque pas d'y revenir. Reviens le jour, la nuit aussi, mon bel ami. Pour toi, les portes qui sont ouvertes le jour et la nuit. Le bon galant manque pas l'heure, il arriva sur la minuit. Belle dormez-vous, sommeillez-vous, belle endormie. Dehors ici, je vous attends de froid aussi. Ah, si l'amour prenait racine, dans mon jardin, j'en planterai. J'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai.

ils seront partis tout à l'heure, avant l'hiver et ses froideurs. Moi, je n'ai pas peur de l'hiver, de ses rafales, ses poudreries. Moi, je n'ai pas peur de l'hiver et les grands vents du bord de mer. Je m'en languis, c'est un peu qui je suis. J'aime les flammes de feu de bois, j'aime ta chaleur quand tu te blottis contre moi. En douceur, Danny Boudreau, Avant l'hiver, tiré de son album Mes légendes, Hommage à mes légendes 2 de Danny Boudreau, avec un excellent album qui s'appelle Mon été. Donc, il sera en spectacle pour célébrer Denis Richard le 19 août prochain du côté de Petit Rocher. On va rester dans la douceur, si vous voulez bien, avec on va terminer notre bloc des Maritimes avec une auteure-compositrice-interprète qui, sur son dernier album, Cultiver l'amour, disponible en passant, tous les albums acadiens sont disponibles sur www.plage.net. Donc, je parle bien sûr d'Amélie Hall. Amélie Hall qui nous a sorti un excellent album, Cultiver l'amour, voilà presque un an de ça, et assez intéressant comme album. Et sur cet album-là, elle fait une reprise. Mais elle n'est pas tout seule, non. Elle fait une reprise de « La tête en gigue » de Jim et Bertrand. Et elle reprend cette chanson-là avec Jim Corcoran. C'est vraiment merveilleux, tout en douceur. Donc, on termine notre bloc des Maritimes avec Amélie Hall et Jim Corcoran. « La tête en gigue ». J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre, me voilà enfin au large. Radeau chaviré, la marée haute, perdu dans ton regard. Temps perdu à craindre l'étreinte et à éteindre la moindre flamme. Frontières disparaissent de par tes mains, les mots d'amour deviennent sereins. Renouveau et découverte, j'apprivoise ta tendresse et je m'enivre de ta douceur. J'ai la tête en gigue et le cœur en septembre, me voilà presque au rivage. Temps perdu à craindre l'étreinte, à étouffer la moindre chaleur. Frontières disparaissent par tes mains, les mots d'amour deviennent si simples. J'ai la tête en gis et le cœur en septembre. Me voilà enfin au large.